Et là, ça. Oh, le sang. Ah, tire pas la main. Ça va ou quoi? Tu te plains debout là, toi, ça va? Oh, c'est quoi le clip que tu as fait là, le Roumain? Oh, là, tu leur as mis une frappe de loin et bim, dans le front. Celle-là, ils l'ont bien mérité. Oh, tu es un génie, tu es un monstre. C'est ça que je te reproche. Arlélélé, arlélélé, de Marrakech à Saint-Tropez. Et bim. Oh, l'Alger. Oh, laisse-moi 2 minutes, laisse-moi te parler 2 minutes, s'il te plaît. 2 minutes, hein. Ouais, viens, on fait une intro pour ton nouveau clip, là. Un truc de fou, on va faire. Oh, depuis les princes de la ville, et bim, que des plans de fou, frère. Laisse tomber, la famille. Les gens, ils en ont marre des intros. Occupe-toi d'aller chercher le matos, et khalas. Comme un chawi, hey, dig, dig, dig, dig.